À faire mes petits délires à partir de vocalises. Les vocalises d'une petite sauvageonne des montagnes tunisiennes. Je la calculais de manière abstraite, et puis j'ai découvert dans la vraie vie une plantureuse et impressionnante jeune fille. Déjà par la taille, je sais pas pourquoi je l'imaginais petite. Mais surtout et ensuite son décolleté vertigineux. Qui défie toutes les lois de la pesanteur. Sa croupe rebondie m'a vraiment motivé pour la suivre en vélo. Vicieux que je suis. Ses longues jambes fuselées qu'elle met en valeur par le port de mini jupes si courtes qu'elles n'ont plus cours de par nos régions. Et son sourire si ravageur, sympathique et sans. Récente rencontre avec elle.